là nous vit moins clair. Rêve réalisé. Sans nous même fanatique pour yo. Pas ta jambe rivé. Nous vîn prendre la dimension. Compagne vîn changer. voilà, c'est...